Bienvenue sur Wrestles Radio pour un nouvel épisode d'Impact Wrestles. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue puisque le dernier Impact Wrestles date d'il y a quelques mois. C'était sur Bound for Glory en octobre dernier. Dans ce show télévisé spécial de la TNA intitulé Lockdown, tous les catcheurs ont été enfermés à double tour dans une cage de notre côté. Ça fait plus de 10 jours qu'on est enfermé dans le studio de Wrestles Radio puisque Brossy a fermé la porte et est parti avec le double de la clé. Du coup, nous sommes enfermés depuis plus de 10 jours dans les studios de Wrestles Radio et nous avons eu le temps, du coup, de regarder Lockdown. C'est passé sous la loupe de Wrestles Radio. Et du coup, mes coéquipiers, mes camarades d'infortune ce soir sont Sébastien. Sébastien qui chante à qui veut l'entendre « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Le problème, c'est que personne n'en veut. Bonjour Sébastien. Salut Vincent, et quelle introduction encore exceptionnelle de votre part. Je vois que vous ne vous recyclez pas vraiment, mais bon... C'est toujours ça. Écoute, on fait ce qu'on peut. Et avec toi, il y a Showtime. Showtime qui est luxembourgeois, qui réside en Belgique. Et d'après un récent rapport qui s'appelle SwissLeaks, il a un compte en Suisse. Bonjour, Showtime. Bonsoir à tous. Tout d'abord, Bruce D, reviens, s'il te plaît. On a faim. Ça commence à faire assez longtemps, s'il te plaît. Et oui. Après, non, je n'ai pas de compte en Suisse. J'en ai aux îles Caïmans et au Luxembourg uniquement. S'il te plaît, viens nous au moins nous donner à manger, quoi, parce que... On a mangé Gus et il reste plus grand-chose, quoi. Et pourtant, il y avait la matière à manger. Pardon. C'est pour ça qu'on est encore en vie, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est pour ça que, voilà, on a faim. Hein. Ça fait 10 jours qu'on est là, depuis le direct de Royal Rumble. Enfin bref, aujourd'hui, on va pas parler de WWE, on va parler de TNA avec Lockdown. Ouais, parlons catch cette fois-ci. Ou le petit tacle de Showtime sur la WWE, ce fervent supporter de Dixie Carter. Donc oui, on va parler de catch, forcément, de TNA, mais avant de parler de Lockdown, on va parler un petit peu de tous les changements qu'il y a eu à la TNA depuis notre dernier podcast, parce que la TNA a changé de diffuseur aux États-Unis. Elle est passée de Spike TV à Destination America. Destination America qui fait partie d'un gros groupe, je crois qu'il y a une chaîne d'info qui fait partie du gros groupe, genre NBC ou quelque chose comme ça, j'ai pas vérifié. Discovery. Ouais, voilà. Discovery Channel. Documentaire animalier, tout ça. Et du coup, c'est un groupe, mais c'est moins de téléspectateurs pour la TNA. Il y a eu des changements aussi de commentateurs. Maintenant, Paz est accompagné de Josh Matthews, qui était commentateur à la Doudou il y a encore quelques mois. McTinney, maintenant, est sur l'émission Unlocked, qui est diffusée le samedi. C'est un peu un explosion pour les Américains. Et il y a aussi un changement de champion, puisque Bobby Roode a perdu son titre contre Bobby Lashley dès le premier show, qui était en direct, un mercredi soir, sur Destination America, sachant que le show est passé du jeudi soir qui était sur Spike TV au mercredi soir pour le premier show en direct, et maintenant c'est un show enregistré qui est tous les vendredis soirs. Je vais laisser parler Sébastien premier sur les changements la tienne. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu? Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées hein, depuis notre dernière émission, hein, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et c'est vrai que les changements qui ont été faits on avait un a priori assez négatif, hein, puisque Destination America, c'est pas une chaîne très importante, c'est un réseau qui est assez confidentiel finalement. Donc on se disait que c'était pas forcément un bon choix, quoi. Et je trouve que finalement le choix est pas si mauvais que ça, puisque on voit que Destination America est vraiment très impliquée dans la TNA, puisqu'elle propose énormément de produits et de programmes surtout sur la TNA et sur sa chaîne. Par exemple, Impact est diffusé le vendredi soir et tout de suite après, en deuxième partie de soirée, t'as la rediffusion d'Impact, donc deux Impacts consécutifs, ensuite Impact le samedi matin. Il y a beaucoup de shows spéciaux sur la TNA qui tout au long de la semaine, donc oui, on ressent vraiment une volonté de cette chaîne de faire de la TNA le produit phare de cette petite chaîne. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque Spike TV ne proposait pas du tout ça. C'est vrai que les campagnes de pub sur la TNA étaient très peu conséquentes. Bah, c'est ce qui a été dit dans les interviews par Dixie Carter et par les catchers, c'est que hormis peut-être une pub 10 minutes avant le show, il n'y avait pas grand chose comme promotion pour le show, quoi. Alors que c'était l'un des programmes qui apportait le plus d'audience à Spike TV, c'était à peu près 1 million de téléspectateurs toutes les semaines. Et là, sur Destination America, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais je sais que, par exemple, sur le La première émission, ils étaient à quelque chose comme 250 000 téléspectateurs. Et sur la troisième, ils étaient à plus de 500 000. Donc bien sûr, c'est moins que sur Spike TV, parce que c'est une chaîne qui est moins disponible par rapport au décodeur, au câble. C'est une chaîne câblée, c'est moins disponible que d'autres chaînes comme Spike TV. Mais ce qui est pratique pour la TNS, c'est que c'est un gros groupe. Donc il y a de l'argent. Donc je pense qu'au niveau du contrat de diffusion, la différence doit pas être énorme par rapport à Spike TV. Et en plus, c'est une chaîne qui monte. C'est ce qui a été dit dans les interviews. C'est une chaîne qui est assez récente. Du coup, l'audience prend de l'ampleur. Surtout que la TNT, c'est un programme assez inédit sur la chaîne, parce que sur la chaîne, les autres programmes, c'est en gros des programmes animaliers ou sur des trucs paranormaux. Donc c'est un peu, si on fait un équivalent avec une chaîne enfant, ça serait plus RMC Découverte, quoi. Donc avoir du catch sur un truc RMC Découverte, c'est un peu particulier. Showtime. En tout cas, ça fait du bien au moral des troupes, apparemment, parce que on a quand même ressenti vraiment que la nouvelle chaîne met les petits plats dans les grands pour accueillir la TNA comme il se doit. Et on ressent déjà qu'il y a plus de pubs autour de la compagnie qu'il y en a eu en plusieurs années sur Spike. Alors oui, les audiences sont un peu plus basses, mais quand t'as un diffuseur qui te permet plus de liberté, qui te promeut beaucoup plus, qui est vraiment derrière toi, ça peut vraiment faire du bien. Surtout que Discovery et Destination America sont en négociation avec Sony et Netflix pour diffuser la TNA notamment sur Netflix et sur pour tous les clients PlayStation qui ont le PlayStation Plus, ce qui fait des millions de clients potentiels au travers le monde. Oui, parce que sur la PlayStation 4, je crois que Oui, c'est obligatoire. ce cas, ouais, c'est obligatoire si on veut jouer en ligne. Voilà. Ce serait un gros coup, ça. Et Netflix. Netflix, c'est des milliers de téléspectateurs. En plus, ça Ça permet peut être un. de regarder la TNT d'une façon différente, un peu comme la W2 avec son network. Ouais, juste que la TNL, là, on pourrait regarder des centaines de films et de bonnes séries à côté, alors que le network, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, ça devient répétitif. Donc, c'est tout bénef pour la TNL. Et ouais, c'est vraiment un bon deal pour eux. Je crois que ça a donné de très très bonnes choses dans l'avenir. On était tous sceptiques au début, mais je suis assez optimiste maintenant. Disons que c'est pas un mauvais choix, on aurait pu avoir pire. Ouais, il aurait pu avoir nettement pire. Et au moins, ils ont un Ah. diffuseur, hein. Oui, c'est ça. Et c'est aussi à noter que, par contre, au niveau des enregistrements d'impact, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, début janvier, ils ont enregistré pendant 3 jours à New York, comme c'était le cas aux derniers enregistrements l'année dernière. Ils ont enregistré sur la tournée britannique, comme d'habitude, 2 shows par ville, et ils ont fait 3 villes, donc 6 impacts. Parce qu'il n'y avait aucun pay-per-view au Night Only. Et pour l'instant, on n'a pas de pay-per-view direct annoncé. Comme c'était le cas l'an dernier. L'an dernier, je crois qu'il y en a eu 4, puisqu'ils ont changé l'agenda après Genesis. Et du coup, pour l'instant, à part Slammiversary et Bound for Glory, qui devraient rester en direct, on ne sait pas combien de shows en direct il y aura, de pay-per-view, pardon, il y aura pour la TNA. Carter avait dit que c'était un choix de la TNA aussi de plus faire beaucoup de direct puisque ils avaient axé le produit sur un travail qui nécessitait plus de post-production et ça tu peux pas le faire en direct. Donc c'est un choix de la compagnie, ça clairement de limiter les lives et je pense aussi que ça a été un choix forcé du fait qu'il y a des coupures budgétaires vu que le coût de diffusion est forcément moins important que Spike. Après, faudra voir, mais très certainement, pour l'instant, en tant que production, j'ai pas vu beaucoup de changements. Les caméras dans les coulisses, comme ils font là dans le coin de la pièce, ça c'est pas quelque chose de forcément nouveau. Pour l'instant, au niveau production, je vois pas beaucoup de changements par rapport à Spike TV. Bon, il y a des shows en plus, mais je veux dire, au niveau de la présentation de l'émission, il n'y a pas de différence. Showtime. Ben, je pense que pour l'instant, ils sont en train d'essayer de repartir sur des bases relativement saines financièrement. Donc, ils se déplacent, mais très très peu. Le nombre de shows a vachement diminué aussi. Donc, ils économisent autant que possible, tout en gardant un bon produit. Donc, ils suppriment les dépenses inutiles pour l'instant. Et à mon avis, c'est pouvoir repartir sur des bonnes bases financièrement et pouvoir, à moyen terme, refaire des shows en direct plus souvent. Parce que oui, ils peuvent pas faire de la post-production en direct, mais ils peuvent, comme le fait la WWE, tourner leur scène backstage à l'avance et puis les diffuser au bon moment. Ça c'est pas un gros problème, mais je crois que c'est surtout le coût financier assez important de déplacer le show de ville en ville et de le faire en direct à chaque fois, qui refroidit un peu les ardeurs de Dixie et qui leur donne envie de rester plus sur des tapings et de l'économie, quoi, pour partir sur les basses scènes. Bon, après, ça, c'est ce qui a déjà été fait l'an dernier. L'an dernier, c'était plus, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de changements à la TNA l'an dernier, à part la réduction des shows et tout ça, les réductions budgétaires. Mais par exemple, là, Dixie a annoncé que, pour l'instant, il ne ferait plus de house show, c'est-à-dire les shows non télévisés, comme il peut y avoir quand la WWE vient en France. Et du coup, les seuls shows que va avoir la TNA, ça sera les shows télé. Du coup, c'est un peu bizarre de pour, enfin, là, ça fait que un mois que c'est sur Destination America, donc on peut attendre un peu, mais pour l'instant, c'est bizarre qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de changements de post-production. On attend de voir, hein. Effectivement, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais c'est vrai que les changements pour le moment sont très minimalistes, hein. Ça se limite aux changements de décor principalement, hein. Après, dans les vestiaires, c'est vrai que les angles de caméra inédits sont assez rares, hein. Donc, j'attends de voir encore pour le moment, je suis comme toi, je suis encore dans l'expectative. Et d'ailleurs, un tout petit mot, je pense qu'on va finir sur ça, sur l'émission Unlocked, qui est présentée par Mike Tinney le samedi après-midi, je crois, sur Destination America. J'ai regardé la première, alors ça a peut-être changé après, hein. Je ne sais pas, parce que maintenant ça fait 2-3 semaines que c'est sur Destination America. C'est une émission, en gros, comme Impact Wrestling. Au niveau production, il n'y a aucun changement. Ils ont enlevé quelques segments. Et à la place, ils ont mis une interview la première semaine, c'était Magnus. Et un genre de top 5 des meilleurs catcheurs qui seraient candidats au titre, candidat, enfin challenger au titre polo. Ah ouais, ouais. Et du coup, c'est assez bizarre parce que, en gros, c'est la même émission. Si tu as raté Impact Wrestling le vendredi soir, tu peux très bien te mettre devant Unlocked le samedi. Tu ne vas pas avoir beaucoup de changements. Et la petite, entre guillemets, originalité de cette émission, c'est qu'en bas à gauche, il y a des petits messages qui sont en gros les commentaires de Mike Tinney où il dit, alors j'ai vu une image sur internet où par exemple sur Lockdown, Mike Tinney quand je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le match et parce qu'on va en parler après, mais un Rockstar Spud qui monte en haut de la cage et t'as un petit message en bas à gauche de l'écran qui te dit, enfin Mike Tinney qui dit, Rockstar Spud a un petit rituel avant chaque match, il fait une prière. Donc c'est un peu des messages qui servent à rien et du coup c'est un peu bizarre cette émission, mais pourquoi pas. Tous ces petits segments, on la TNL, les posts sur YouTube et sur tous ces réseaux sociaux, notamment le top 5 et la récap de Impact. Donc ils font quand même un gros effort de communication pour que personne ne puisse oublier qu'ils existent et pour leur rappeler tout le temps, oui on est là, voilà la situation de la compagnie pour l'instant. Même si vous avez lu les spoilers des épisodes dans 2 mois, voilà où on en est pour l'instant. Restez dans le jus et vivement le prochain épisode. Donc, ils nous tiennent quand même au courant tout le temps de ce qui se passe. Et c'est assez intéressant. Et j'aime bien ce concept de top 5 parce que ça donne quand même une bonne idée de qui est proche du main event. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Peut-être le changement de commentateur. Est-ce que vous êtes satisfait de l'arrivée de Josh Matthews, Sébastien? Moi, je suis satisfait. Ouais. Ça fait un moment que je militais pour le départ de la table des commentateurs pour Mike Tenet. Je pense qu'à son âge, il pouvait passer le relais et surtout, il fallait casser la dynamique Tenet avec Taz qui ne tenait plus. Hein. Excusez-moi pour le jeu de mots. Mais on l'a vu pour les pay-per-view One Night Only. C'est vrai que leurs commentaires ensemble deviennent vraiment très très ennuyants, je trouve. Et il fallait casser comme ceux des Français. Enfin, désolé pour Seigneur Marinier. Grégory 10, même s'ils vont sûrement pas nous écouter, mais je trouve que pour avoir regardé quelques One Night Only en français, je trouve que les commentaires français étaient aussi au rabais que ceux américains. Voilà. Salut s'ils nous écoutent quand même. Mais Josh Matthews, ça fait quand même du bien d'avoir, on sent que c'est quand même quelqu'un de très passionné et ça va faire du bien sur le long terme. Malheureusement, c'est pas Striker ou Jim Ross qui était dispo, mais c'est pas mal non plus. Et Mike Tenay, on le remercie pour des années de loyaux services, mais il était temps, plus que temps, qu'il fasse une petite pause, parce qu'il vieillit quand même. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, le professeur, comme on l'appelait à la WCW. Ouais. Bon, personnellement, moi, je trouve qu'il est, il est pas mal, Josh Matthews, mais je trouve qu'il est un peu, je sais pas s'il s'ennuie ou si c'est sa façon de commenter, parce que quand je regarde la 2-2, je regarde en français, du coup, je sais pas comment il commentait à l'époque sur Superstars ou d'autres shows, SmackDown, je crois qu'il était, et je trouve qu'il est pas très enthousiaste sur ses commentaires. Alors, c'est peut-être sa façon de commenter, hein, mais, par exemple, quand il y a Mark Andrews qui a fait ses débuts, il était pas très chaud. En même temps, ils sont fermé dans une petite cage à Nashville, Tennessee, et oui, ils regardent studios, le show sur un écran télévisé, donc ils peuvent pas s'imprégner de l'ambiance que tu as en direct, hein. Je pense que ça joue aussi, ça. C'est sûr que c'est un peu difficile, donc je pense qu'on a fait le tour sur le changement de la TNA. Il a peut-être été un peu long, mais c'est pas grave, il fallait bien ça depuis le dernier podcast sur la TNA. Donc maintenant on va parler de Lockdown qui est normalement un pay-per-view, mais depuis cette année c'est un show spécial télé, du coup ça dure sur un format de 2 heures avec les pubs, et le principe de Lockdown est simple, tous les matchs sont des matchs en cage. Donc si vous aimez l'acier, tant mieux pour vous, si vous n'aimez pas, ben tant pis. Le premier match de la soirée, c'était un match pour le titre par équipe entre Révolution, qui est un clan composé de James Storm, Abyss, donc les deux là étaient dans le ring pour le match, et aux abords du ring il y avait Manic, Sanada et Koya, le nouvel arrivant venu d'Inde, qui avait participé au projet Inca King. Et les adversaires de Révolution, c'était les frères Hardy, Matt et Jeff Hardy, donc les champions de sa Révolution, ils ont conservé en 11 minutes 57. Showtime, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, c'est pas ce qui est le plus intéressant, surtout le clan de James Storm, on a un peu l'habitude avec lui, hein, il est trop bon pour pouvoir ne pas le caser à la télé pendant plusieurs mois, mais le main event est occupé, il est beaucoup trop grand pour aller à la X-Division. Allez, on va lui recoller un clan ou un clampin avec qui faire équipe et on va le rebalancer sur les titres par équipe, ça l'occupera pendant 2-3 mois. Bon, ça avance doucement, c'est gentil comme story, c'est de nouveau quelqu'un qui arrive par magie à contrôler Abyss. On l'a vu et revu. Bon, ça marche pas mal, mais c'est rien de très original. Mention spéciale au Hardy quand même, parce que je sais pas, je les trouve. J'ai l'impression qu'ils rajeunissent de semaine en semaine. Ils sont de plus en plus en forme. Jeff, il prend des bumps de malade chaque semaine, et ils ont quand même toujours l'air de s'amuser. Donc c'est quand même un gros plus pour la compagnie d'avoir ces deux-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec eux et les Wolves dans une bonne feud dans quelques mois. D'ailleurs, la chute de Jeff Hardy avait fait le tour des réseaux sociaux quand ça avait été enregistré à New York. La chute après le match, quand il tombe de la cage à l'extérieur sur les marches en acier. Une chute assez violente. Sébastien, beaucoup de gens n'ont pas tout de suite compris que c'était un work et ont cru qu'il s'était vraiment blessé. N'empêche, ça prouve à quel n'empêche point que, il le vend bien. Ouais, n'empêche que la chute est assez impressionnante. Sébastien. Ouais. J'ai pas trop aimé ce match. Hein. C'était une succession de spots, finalement, sans construction véritable. Il n'y avait pas un vrai fil conducteur dans ce match. C'était assez chaotique, j'ai trouvé. Après, il y a beaucoup de choses qui me gênent, notamment le fait que c'est un match en cage et que pendant des semaines, on nous a dit que dans les matchs en cage, il n'y a pas d'intervention, que les catcheurs sont entre eux, tu peux pas intervenir et tout. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce match? Il y a 1000 interventions. Il y a Manic qui intervient dès les premières minutes du haut de la cage. Il y a Koya qui intervient par des gros trous de caméra qui sont dans la cage, quoi, vraiment des trous énormes. D'ailleurs, il y a même Matt Hardy qui a été intégralement sorti par ce trou de caméra. Il y a Sanada qui crache un moment de l'extérieur sur un gars qui est à l'intérieur de la cage. Donc, toutes sortes d'interventions. On nous a montré vraiment tout ce qu'on peut faire pour intervenir dans une cage, alors que c'était censé justement les contenir à l'intérieur. Donc, ça, j'ai vraiment pas apprécié. D'ailleurs, moi, je trouve que le concept de Lockdown est un peu, un peu compliqué à mettre en place puisque comme il n'y a que des matchs en cage, du coup s'il y a des gros spots au début de la soirée, c'est un peu compliqué pour le main event d'être original quoi. Bon après, personnellement comme vous, je passe. Enfin le match n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus spécialement bon quoi. Les spots de fin de match et d'après-match sont assez impressionnants avec l'interdit qui passe à travers une table à l'extérieur du ring avec Koya qui le fait passer à travers. Koya qui a pris le même finisher que Crimson. Si vous vous souvenez de Crimson, bravo parce que peu de gens, je pense, se souviennent de ce catcheur qui est passé par la TNA dans les années 2011-2012. Oh, quand même, il a quand même une série d'invincibilité d'un an, donc c'est pas Oui, rien. pourquoi je pense que c'est pas celui qui a laissé la plus grande marque sur la TNA. Et après, il y a Jeff Hardy qui est passé à travers, enfin qui a fait sa chute sur la marche d'escalier avec Mannick dans le ring qui a voulu faire un splash sur lui, mais Jeff Hardy a esquivé. On va pouvoir passer à la suite, si vous le voulez bien, avec une confrontation de deux titans. Je sais pas si on peut employer ce mot parce que c'est des femmes, mais c'est deux titans avec Awesome Kong et Havoc. Pas de titre en jeu, juste une grosse bagarre. 4 minutes 52 avec une victoire d'Awesome Kong avec un splash de la troisième corde. Sébastien. Cette rivalité, ce que j'ai préféré, c'était le build-up finalement, parce que c'est vrai que le premier show en direct de la TNA en 2015, l'apparition de Awesome Kong, c'est vraiment un super moment, quoi. On s'y attendait pas et tu la vois réapparaître en confrontation directe avec Havoc, c'est vraiment un face-à-face qui laissait rêveur. Et je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu espérer, puisque le match est assez court finalement et presque bâclé, j'ai envie de dire. Et enfin, je trouve, ouais, que ça a été mal fait dans la finalité de cette rivalité qui partait pourtant sur des chapeaux de roue. Ouais, le match est vraiment hyper frustrant parce que c'est vraiment là qu'on voit le gros problème de plus avoir de longs shows de 3 heures. On a 1h20 pour placer tous ces gros matchs. Et ça, c'est vraiment une confrontation qui pouvait vendre du rêve et on la bâcle en 4 minutes. Surtout quand on voit que MVP arrive à nous sortir un segment de 5 ou 6 minutes pour rien dire du tout. Un segment absolument inutile juste après, ou juste avant, je sais plus. C'est vraiment très, très, très frustrant de voir un si beau match, une si belle affiche, tellement bâclée, alors que, ouais, depuis le premier show en direct de 2015, il n'y a que ça qu'on attend chez les knockouts. Bon, c'est toujours bien meilleur que ce qu'il y a chez la concurrence, mais ça reste assez frustrant, quoi. Je pense qu'on a fait le tour de ce match féminin. Le tour était long à faire, hein. Ouais, on l'a fait, parce que Oui, non, mais rapport au le tour physique, de Song Kong est peut-être catcher. long à faire, mais le tour de match, du match, non. Pardon. C'était la petite vanne pourrie du soir. Donc, ils étaient amis jusqu'à ce que Eric Young trahisse son ami. Donc, Eric Young contre Bobby Roode, c'était un des matchs simples en cage. 7 minutes 59 de match avec une preuve de domination de la part de Bobby Roode. Qu'est-ce que t'en as pensé au Showtime de ce match? Bah, c'est du déjà vu. C'est poli comme prestation, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. C'est pas mauvais. Je pense qu'on peut dire la même chose que le match précédent. En fait, si c'était un pay-per-view donc Voilà. plus long, je pense qu'il y a des matières à faire mieux. Voilà. Surtout que les deux se connaissent par cœur. Ils s'adorent. Ils se sont déjà affrontés des dizaines de fois dans absolument toutes les stipulations possibles sur les 12 ans que la compagnie, 13 ans. Oh, ils vieillissent. Les 13 ans qu'ils bossent déjà ensemble à la TNA. Et ouais, donc là, il y a vraiment rien de nouveau, même si la coiffure de EY est vraiment très très moche. Enfin bon, ça compte pas pour beaucoup. Ouais, j'ai vraiment hâte que ces deux-là puissent s'affronter dans un bon match bien hardcore, un pay-per-view, qu'on leur donne 15-20 minutes. Ça peut être très très très fun. Ils ont déjà eu des matchs 4 étoiles, 4 étoiles et demie par le passé avec des stipulations, ils peuvent leur faire. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Là, c'est un bon petit teaser, mais c'est pas un vrai match. Sébastien. Ah bah, je peux vous confirmer que ça arrivera, hein, puisque j'ai vécu un Eric Young contre Bobby Roode en live à Londres, hein, je parlerai plus tout à l'heure, mais c'est un match à stipulation hardcore, je crois, ou dans Last Man Standing, voilà. Et là, il y avait vraiment une grosse implication physique de 15 minutes de combat. Ça, c'est un gros match. Vous allez voir dans les semaines qui suivent. Celui-ci, là, à Lockdown, est pour ma part assez décevant. Enfin, pas décevant, mais c'est toujours la renommée du temps, hein, comme on dit. Mais j'ai trouvé que le match en soi était pas mal, mais on pouvait avoir mieux. Hein, donc, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus que vous. L'implication physique est présente. Eric Young qui saigne vraiment au bout d'un moment, mais c'est probablement. Il est tout dégueulasse en Blade Job quand même. Je pense qu'il y a pire. Il est vraiment pas discret. Hein. Je pense qu'il y a pire. Renaud, s'il était là, il nous dirait que le rock dans les années 90, c'était pire. Mais au moins, cette fois-ci, les caméramans de la TNA ont la bonne idée de pas filmer EY pendant qu'il sortait sa lame de rasoir de son slibard. Donc, ils font des progrès aussi. Destination America a des meilleurs caméramans que Spike. Ça, c'est pas mal. Oui, non, mais je suis d'accord. Si vous vous souvenez, Spike a plus d'une fois filmé directement les catcheurs sortant leur petite lame de rasoir. En gros plan, presque. Sur leurs mains. Ouais, non, mais c'est sûr que c'était pas très discret avec Spike TV. Mais je suis d'accord avec vous, 8 minutes, c'est pas assez pour ces deux catcheurs. Donc, on va pouvoir passer à la suite avec un match handicap. On se demande d'ailleurs pour qui était le handicap. Rockstar Spud et Mandrews d'un côté, Mark Andrews de son vrai nom, et Tyrus, ancien Brodus Clay de la WWE, de l'autre, avec Ethan Carter 3, enfin, troisième du nom, du côté de Tyrus, aux abords du ring. Un match de 5 minutes 47, c'était plus qu'un squash qu'autre chose, même, enfin, un squash un peu long, mais c'était pas très, très développé, Sébastien. Ah, pour moi, c'est la meilleure feud du moment. Hein. Je ne peux pas passer par quatre chemins. C'est celle-là qu'il faut regarder en ce moment à la TNA. Et pourtant, je pars de très loin puisque je détestais ici Tree au départ et ça peut me laisser assez indifférent. Mais là, l'évolution des personnages est vraiment très très très bonne. La feud se suit vraiment bien. Et je trouvais qu'encore une fois, ça s'est confirmé dans ce match-là qui est bien construit. Il y a quelques mouvements spectaculaires, hein, je pense notamment au saut de Rockstar Spud du haut de la cage qui est bien fait. Il y a l'implication également de Mark Andrews, qu'on appelle Mondrews maintenant, un nom assez pourri, je trouve, mais bon, ça c'est autre chose. Le catch en lui-même est plutôt pas mauvais. Après, je trouve qu'il manque un peu de charisme. Rockstar Spud, c'était aussi le cas au départ. Donc, pourquoi pas suivre une carrière à la Rockstar Spud. Mais oui, globalement, cette partie du show, j'ai vraiment apprécié, en tout cas. Pour avoir vu Mark Andrews en direct dans un show anglais à Londres, je peux te dire qu'il a du talent et que là, il est un peu sous-utilisé à la TNA et qu'il a du charisme. Le problème, c'est que là, comme il est associé à Rockstar Spud, c'est un peu le sidekick de Rockstar Spud. C'est un peu comme quand Rockstar Spud était avec Ethan Carter 3, on ne pouvait pas vraiment voir son talent, à part dans les segments assez longs qu'il y avait avec Dixie Carter, mais dans le ring c'était assez compliqué. Là, je trouve que c'est un peu la même chose. On va voir si par la suite Mark Andrews a une implication un peu plus marquée dans le ring. Showtime. De nouveau, une nouvelle fois, je trouve que la TNA prouve comment réussir une bonne feud de low card. Parce que oui, il n'y a pas énormément en jeu, mais ça reste super super intéressant. On s'emmerde pas, c'est pas trop long, ça prend pas 20 minutes et ils essayent pas de nous en faire bouffer autant que possible comme ça se fait parfois dans notre idée. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est toujours fun. Rockstar Spud, je sais pas ce qu'il a, mais n'importe ce qu'il fait, je le trouve hilarant avec ses petits nœuds de papa à la con. C'est vraiment hilarant. Et ouais, je crois que vraiment que la feud va tenir un bon bout de temps, que ça restait assez intéressant jusqu'à ce que EC3 passe à quelque chose de plus grand, parce que lui, à mon avis, il est vraiment destiné à main eventer Bound for Glory, que ce soit cette année ou l'année suivante. C'est vraiment un des grands pour l'avenir de la TNA, en même temps. Faut juste qu'il apprenne encore un peu plus à se débrouiller dans le ring. Mais ouais. Tout le reste, il l'a déjà. Faut dire qu'il a pas trop été aidé non plus dans le booking de ses matchs. Par exemple, je me souviens de son match contre Sting. Pourtant, Sting, c'est pas un balai, quoi. Ça a été assez médiocre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le, Ethan Carter, troisième du nom, a un potentiel pas mal exploité par la TNA, mais qui est pour l'instant pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le booking de ces matchs limite fortement. Hein. Il y a beaucoup d'interventions, de mouvements cheap pour finir les matchs. Enfin, c'est vrai que ça ne l'aide pas forcément, mais après, dans le même temps, je me dis que c'est pas aussi fait pour masquer les faiblesses un peu dans le ring. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais il faut trouver le bon équilibre au bout d'un moment et il faut forcément passer par des combats in-ring mémorables dans l'avenir pour vraiment positionner sa place en haut de l'affiche de la TNA, parce que c'est vrai que c'est ce qui lui manque. Hein. Il manque que ça. Le personnage est très bon, le talent micro est là, mais il manque encore quelques lacunes dans le ring. Parfois, ça me fait un peu penser ce personnage à celui de Bobby Roode quand il était champion poids lourd. Dans le sens qu'il gagne pas hein, n'importe quelle manière. Et du coup, ce booking de heel est un peu dérangeant pour le catcheur quand on est dans le ring. Est-ce qu'on peut passer au main event? Ben, pour revenir une dernière fois sur Ethan Carter, je trouve justement que la TNA, qui a l'habitude pourtant de se précipiter quand elle tient quelque chose d'intéressant, prend vraiment très très bien son temps avec lui pour vraiment le builder correctement. Il faut pas que maintenant il se précipite trop comme ils ont pu le faire avec Magnus sur la fin avant son premier titre. Ça montait bien en puissance, tout doucement, et puis ils ont un tout petit peu précipité la chose. À mon avis, quelques mois plus tard, ça aurait été super. Mais s'ils continuent à lentement builder Ethan Carter comme ce petit heel détestable qui perd jamais, qui a une grande gueule mais qui arrive à se défendre à chaque fois. En plus maintenant avec comment c'est son nom à la TNA? Tyrus? Tyrus? Ouais. Ça donne quand même ça son petit effet. Et si le build lentement mais correctement, ça peut devenir quelque chose de très très bien et pourquoi pas finir par devenir champion en tant que petit heel, en prenant le titre à une légende face. Moi, je suis assez d'accord pour l'instant. Le build-up est fait lentement, mais après, bon, ça, c'est vrai que sur certains gros matchs, c'est assez regrettable. Donc, le main event, enfin, il fallait choisir son camp. Comme en 14-18, n'est-ce pas, Sébastien? Soit on était du côté de Kurt Angle, soit on était du côté du Big Town Clown. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Lashley, lui, il a voté Kurt Angle. Kurt Angle n'est pas encore président, mais pour l'instant, il est vainqueur de ce main event de Lockdown, avec Gunner, Bobby Lashley, forcément, et Austin Aries, qui ont battu Lucky, Samoa Joe, MVP et Kenny King. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Little Lockdown, un peu revisité, puisqu'avant, il y avait le toit de la cage qui descendait, mais je pense que ce modèle de cage coûtait trop cher, du coup, on a une cage toute simple, et les objets sont directement placés sur les genres de murs de cette cage Showtime. En fait, à mon avis, c'est probablement plutôt parce que le toit de la salle à New York n'est pas capable de maintenir une structure telle que le toit de la cage du Little Lockdown. Parce que le toit, ils l'ont, c'est à eux, ça, c'est pas une question de budget de pas la rentrer dans la salle ou de la rentrer. C'est juste que c'est une vieille structure et je suis pas sûr qu'ils soient capables de rentrer un toit pareil là-dedans. Donc c'est un peu dommage parce que ça gâche un peu ce match emblématique. Déjà, il est très très court, il n'y a que 8 participants au lieu de 10. C'est assez frustrant de nouveau, comme ben, ça restera le mot qui résumera tout le show, pour moi. Même si ça reste très très bon, Lashley pour l'instant s'aligne avec les Faces, mais on ne saura jamais si c'est pour longtemps. C'est un très très bon tweener, il a eu un bon règne de champion, deux bons règnes de champion maintenant. Donc ça reste très intéressant et le match est sympa, mais ça donne surtout envie de voir vers quoi ça va se diriger après. Je sais pas si c'est un succès d'ailleurs ce face turn de Bobby Lashley, parce que j'ai l'impression que la foule n'est pas si réactive à ce. Par exemple, quand il arrive dans le match, je trouve qu'il n'a pas spécialement une bonne pop, et je trouve que la foule n'est pas forcément supportrice de Lashley. Après, on verra par la suite, hein, mais peut-être que ça a changé avec le passage en Angleterre, mais je trouve que Bobby Lashley, pour l'instant, il n'est pas spécialement apprécié par la foule, Sébastien. Après, faut aussi se remettre dans le contexte, hein, puisque c'était une succession de trois shows en 3 jours, et que donc les fans présents dans l'arène n'ont pas suivi les étapes intermédiaires qui sont déroulées, puisque c'était pas diffusé à la télé au moment où les gens étaient dans la salle. Donc la seule image qu'ils avaient, c'était le premier show en direct, la première de tapping, où Bobby Lashley était clairement heel, puisqu'il avait gagné le titre aux mains de Bobby Roode d'une manière controversée. Donc je pense que les gens avaient cette image-là en tête, et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient des réactions négatives. Après, pour comparer sur le match en tant que tel, Lethal Lockdown, c'est synonyme de match chaotique, hein. Ça, c'est une donnée constante depuis le début de match. Donc je me suis mis dans cet état d'esprit de voir un match chaotique, mais chaotique dans le bon sens, puisque c'est quand même pas si désagréable à voir, hein. Je veux dire, moi je suis pas nécessairement ennuyé dans ce combat. C'était ce à quoi je m'attendais, hein. Donc pas trop déçu, pas trop heureux. Normal pour moi. Par contre, le point positif, c'est surtout la séquence finale qui m'a vraiment plu, avec quatre finishes en même temps pour le clan des Faces. Ça, c'était un petit moment sympathique. Et pour finir mon temps de parole sur ce match, je vais vous poser une petite question. À quand remonte la dernière victoire Hill en Lethal Lockdown, à votre Ouais, de remonter parce que déjà avis? je trouve que le Little Lockdown c'est un peu comment dire pas truqué mais je veux dire c'est un peu con comme stipulation parce que forcément à chaque fois c'est les heels qui ont la domination dans le ring donc à chaque fois tu sais que le troisième participant sera un heel et après un face et ainsi de suite donc par hasard 2010. C'est Et la pas fille. l'année où il y a eu deux Little Lockdown, les Immortals n'en ont pas gagné un des deux? Ça doit être 2011, Bah, ça. d'après mes recherches, en tout cas, il n'y a jamais eu de victoire Hill à Lockdown, à Little Lockdown. Putain. Paye ton Depuis suspense. 2005, donc le pay-per-view a 10 ans, et il n'y a jamais eu une seule victoire Hill. Donc, à moins que j'ai merdé quelque part, quand même assez étonnant comme Ben. statistique. T'as regardé qu'il y en avait eu un à Bound for Glory une année? Ah, je parle à Lockdown, hein, bien sûr. À Ah. Bound for Glory, c'est peut-être différent, Ouais, tu mais dans le parlais de la. pay-per-view, Lockdown, dans un Little Lockdown, aucune victoire face. Enfin, aucune victoire heel, pardon. Moi, c'est un peu. Comme je l'ai dit, c'est un peu une stipulation Voilà, un peu ouais, c'est ça. cache-misère, je trouve. Mais enfin, il y avait des Little Lockdown qui étaient bien meilleurs avec des Christopher Daniels ou des. Ou d'autres catcheurs, là je trouve C'est ça c'était ça. un peu bizarre. Et bizarrement d'ailleurs, il n'était que 8 dans le ring, mais ils ont réussi à foirer un petit peu le finish. Si vous arrivez à vous souvenir du finish, il y a MVP qui se prend un spear de Bobby Lashley, et Lashley, enfin, et MVP qui chute sur Osinaris qui est en train de porter une soumission sur sa soumission, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur Last Chance, oui, je crois, un truc du genre, sur Loki. Et du coup, heureusement qu'il a. Parce que. Il fait un genre de ponté en faisant cette soumission à Wiz. Du coup, heureusement que MVP n'a pas pété un tibia de Harris ou un truc du genre en faisant cette chute parce que ça aurait été un peu con, quoi. Le ring n'était pas assez grand pour faire toutes les prises de fin, quoi. Encore une remarque générale. Vas-y. J'adore le retour au Six Sides, surtout pour ce pay-per-view, parce que la cage à six côtés est quand même tellement mieux que les cages traditionnelles. On peut profiter beaucoup plus de l'espace supplémentaire qu'à sur le ring, parce que la surface est quand même un peu plus grande. Et je trouve que ça se ressent quand même énormément dans les différents mouvements. Bon, malheureusement, sur ce show-ci, ça s'est pas trop ressenti parce que les matchs étaient assez courts et qu'il n'y a pas eu de match X-Division. Mais quand il y a des escape matchs de la X-Division et des trucs comme ça, on ressent vraiment la différence entre les rings à quatre côtés et les rings à six côtés. Donc ça, de nouveau, ça va être très très bien quand ils en feront des matchs un peu plus longs, en fait. Après, Je vais c'est. aussi faire une petite remarque. Vas-y. Faire une petite remarque aussi aux questions du temps de ce show. Pourquoi ne pas passer dans un show spécial de 3 heures, puisque je rappelle que pour le moment, l'histoire, tu as en prime time Impact Wrestling et en deuxième partie de soirée, tu as la rediffusion du show. Donc, c'est-à-dire que le créneau, le bloc de 3 heures, c'est 3 heures d'émission Impact. Donc, pourquoi ne pas faire un format spécial 3 heures pour la prochaine fois? Ouais, mais c'est pas ça, tiens, aux officiels. Le problème, c'est que ceux qui sont dans la salle, ils en prennent deux dans la gueule d'Impact. Du coup, s'il y en a deux de suite, ça fait 5 heures de show s'il y en a un normal et un spécial. Je suis pas sûr que être 5 heures assis sur une chaise. C'est juste un show de 3 heures. Enfin, sur un siège plutôt. Ouais, dans ce cas, oui. Mais du coup, ça fait que la TNA a une semaine de moins d'enregistrer. C'est pareil, au niveau financier, c'est la même. Ça pose un problème. C'est sûr, à réfléchir tout ça. Enfin, ça, c'est pas nous à réfléchir, c'est plutôt à Dixie Carter, John Gabriel et autres dirigeants de la TNA. Donc, on arrive à la fin de ce lockdown. On va mettre des petites notes à ce show spécial. Une petite note sur ce lockdown. Showtime. Moi, je donnerais un 6,5. C'est pas mal, mais peut mieux faire quand même. Sébastien. Moi, je vais mettre un petit 5, pas plus. Eh bien, je vais faire la même chose que toi, je vais mettre un 5, puisque comme l'a dit Showtime, c'est assez frustrant comme show, et je trouve que les matchs sont pas spécialement... Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas... Je pense que dans 6 mois, je me souviendrai pas beaucoup de ce show spécial TNA sur Destination America. Du coup, la moyenne est assez facile à faire, puisque on est qu'à 3, et ça fait une note de 5,5. Donc, la moyenne à Sora 2, c'est 6. Du coup, on recommande pas ce show, mais si vous avez un moment de libre et que vous regardez le catch, regardez Lockdown, mais franchement, regardez un autre show de la TNA, plutôt que celui de Lockdown. Alors, on a parlé de Lockdown, on a parlé des changements à la TNA. Maintenant, on va parler de la tournée Maximum Impact Tour qui a eu lieu le 29, 30 et 31 janvier. En Grande-Bretagne, premier show le 29 à Glasgow, le 30 à Manchester et le 31 à Londres. Sébastien était à Londres, à la Wembley Arena. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce show? Premier show pour toi, TNA, il me semble. Premier show TNA. Première fois aussi que je vais à Londres. Mais bon, ça vous en foutez vu que c'est ma vie personnelle. Du coup, t'as pas été à Piccadilly Circus ou voir Big Ben. D'ailleurs, c'était la première fois, je suppose, que t'as vu un show télé. Parce que la D2 fait pas de show télé à part à Londres. C'est ça, ouais. Première fois également que je voyais un show télévisé. Première fois que je voyais un show TNA et beaucoup de premières hein, ce soir-là. Le show était pour moi franchement très bon. Hein. Moi, je sais pas est-ce qu'on est aussi objectif dans la salle que dans la télé, mais moi j'ai trouvé que c'était super comme show. Hein. Les matchs ont vraiment délivré, très bonne qualité. Je vais te couper tout de suite Sébastien, mais il y avait combien d'heures de show? Combien d'heures de show il y avait 3h30 exactement d'enregistrement. Ils n'ont pas fait la moitié. Quoi. Ouais, donc à peu près, près de show, quoi. 1h20 de show à peu près, ça fait à peu près ça. Deux shows consécutifs, il n'y avait aucune pause. Hein. Tiens, je n'ai pas précisé aucune pause, si ce n'est les pauses imposées pour des raisons techniques, c'est-à-dire le moment où il fallait démonter la structure de l'Ultimate X, hein, puisqu'il y avait un Ultimate X match. Ouais, donc, l'autre moment où il y avait une pause imposée, c'était au moment où il y avait le ring ensanglanté, puisqu'il y avait un des deux catcheurs qui saignait, le ring a pas mal eu de gouttes sur le tapis, donc du coup ils ont démonté une bonne partie du ring pour mettre un tapis neuf. Et donc c'était la deuxième pause techniquement imposée quoi. Après que dire, je vais pas trop spoiler puisque le show n'a pas été diffusé, mais il y a quand même des choses historiques qui se déroulent sur ce show là et j'ai été content d'y assister. J'en dirai pas plus. Au niveau du remplissement de la salle, je peux dire qu'on est sur un bon 8 dixièmes, peut-être même 9 dixièmes de la salle remplie. Il y avait vraiment que les parties hautes qui n'étaient pas remplies, mais tout le reste était vraiment très très bien fourni. L'ambiance était vraiment très bonne du début jusqu'à la fin. Même s'il y avait 3h30 de show, les fans ont répondu présent, quoi. Ça se voit qu'ils attendent ce moment à chaque année. C'est pas pour rien que la tournée UK de la TNA est un succès à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions, par exemple? Showtime. Oui, j'ai lu les spoilers. Je suis vilain, mais j'arrive pas à me retenir de les lire, comme beaucoup d'entre vous, à mon avis. De toute façon, le temps que ça soit diffusé, t'as le temps. Je crois que le premier, ce sera dans 2 semaines, et ce sera la Glasgow, donc Londres, ça sera fin mars, début avril, du coup, t'as le temps. Par contre, oui, effectivement, on n'a jamais été informé de ce qui s'est passé, puisque bien sûr, il y a eu beaucoup de shows qui se sont passés juste avant, les shows à Glasgow, les shows à Manchester. Et donc, il y avait des choses qui se sont passées dans ces shows pour lesquelles je n'étais pas au courant. Hein. Par exemple, il y avait une équipe qui a gagné, une nouvelle équipe championne par équipe, hein, je ne vais pas vous dire laquelle, et j'ai découvert ça pendant le show de Londres, hein. Je ne le savais pas auparavant. Donc, à aucun moment, ils nous ont rappelé les storylines. C'est bizarre, étonnant, parce que l'année passée, bon, le show durait un peu plus longtemps, il a duré plus de 4 heures, mais parce qu'il y avait encore les Explosion qui était tourné en même temps. Mais Borash rappelait régulièrement ce qui s'était passé dans les autres enregistrements de la tournée, notamment le heel turn de James Storm contre Gunner l'an passé. Il avait rappelé avant que Gunner vienne péter son plomb sur le ring. Donc c'est assez étonnant qu'il ne l'ait pas rappelé. Et assez malheureux pour toi que tu n'aies pas pu voir Christy Amy, vu qu'elle était enceinte. Donc. Ouais. Oui, il y avait Sokalval, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Ah oui, elle a fait son grand retour. Attention, spoiler. C'est un grand retour qui sera que le temps de la tournée, puisque. CDD. Ouais, c'est un petit CDD. C'est voilà. Un job d'été, sauf qu'on est en hiver. Moi, j'ai une question qui est. Soit t'as besoin de dire le prix, mais par rapport à un show WWE, est-ce que la TNA, ça coûte cher? Après, bien sûr, la différence, c'était pas à Paris ni à Strasbourg, du coup, ça coûte forcément plus cher par rapport au transport et au logement. Quoique le logement, si tu es à Paris, tu prends aussi une chambre, mais est-ce que la TNA, ça coûte plus cher? Franchement, pour avoir des places médium à la TNA pour un taping à Londres de 4 heures, c'est à peu près les mêmes prix qu'une place médium en house show de la WWE qui dure 1h30, 2 heures. Donc, c'est pas donné, mais ça les vaut plus que pour les 2 heures de house show. Enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que les 2 heures de house show que la WWE back quand elle est en Europe. Sachant qu'il y avait un bloc de 3h30 de show, c'est vrai que le prix est quand même convenable. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a rien à dire là-dessus. On est dans la norme, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Chotin a une autre question. Ou si Sébastien a autre chose à ajouter sur ce show de Londres. Après, il y avait encore d'autres, comme coulisses, ça veut dire, il y avait Jeremy Borash qui, tout au long de la soirée, était un petit peu le chauffeur de salle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'entre chaque match, il nous disait, il nous faisait un petit concours dans le public, quelle section fera le plus de bruit ou des choses comme ça. Aussi, au chaque retour de segment ou de match, on nous demandait de faire le maximum de bruit. Donc, comme ça, avec le show, vous le verrez à la télé, vous aurez des fans qui seront chauds à chaque début de segment ou de match. On s'y est enregistré au bout d'un moment une pub pour Challenge TV, je crois. On nous demandait aussi de faire beaucoup de bruit et qui sera diffusé internationalement, je crois, cette pub. Enfin, voilà, une petite anecdote supplémentaire. D'ailleurs, sinon, je regrette quand même mon placement, puisque j'étais invité, hein, je ne vais pas vous le cacher, pour aller à ce show. Après, les frais de déplacement étaient pour moi, mais j'ai été invité pour assister, donc j'étais dans le coin des médias. Et c'est vrai que cette partie-là était très peu active. Hein. On voyait des gens qui étaient là juste parce qu'ils ont été invités. Et donc, ils n'étaient pas aussi chauds que les fans étaient dans la partie ringside. Donc, c'est un petit peu dommage juste là-dessus. Mais est-ce que la place était bonne, au moins, au niveau de la vue? Pour vous donner une idée, c'était long de l'entrée, quoi. Donc, vous avez la rampe et c'était en face de la rampe d'entrée. Donc, c'était pas une place exceptionnelle. Bon, je vais pas me plaindre, vu que j'étais invité et je voyais quand même assez bien. Hein, donc, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la meilleure place, hein, loin de là. Forcément, comme c'est une invitation. Et j'ai vu Célian Varigny et Grégory Diz, d'ailleurs, hein, on en parlait plus tôt dans cette émission. Et ils ont squatté l'intégralité du show à côté de la rampe d'entrée. Donc, je ne pense pas qu'on les verra à la télévision, mais du début à la fin, ils étaient à côté de la rampe d'entrée. Tu as réussi à choper quelques photos ou dédicaces après, vu qu'ils partent tous au Hilton qui est juste à côté? Ah bah non, je n'ai même pas pensé. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que le Hilton, je l'ai vu, ouais. Mais... Si je devais réfléchir un peu plus, j'aurais pu squatter devant. Voilà. Mais comme Seb n'avait pas eu son salaire du mois, du coup, il n'a pas pu prendre chance de Hilton et il est dégoûté. Ah, mais ouais, il y en a quelques-uns qui restent devant à signer normalement. C'était un peu plus populaire, mon hôtel. Hein. L'hôtel Ibis, hein, très bien aussi. Mais... Bah oui, je suis resté à l'Ibis aussi, pas au Hilton, mais comme le Hilton, il faut passer devant pour aller à l'Ibis. Parfois, on voit des lutteurs devant. Je voulais te demander, est-ce qu'il y avait des meet and greet proposés, des signatures d'autographes avant, à l'entracte ou après le show? Alors, j'ai lu qu'il y avait des meet and greet avec les catcheurs de British Bootcamp, le show télé-réalité de TNA. Mais bon, personnellement, je n'y ai pas assisté. Mais je ne crois pas qu'il y avait quelque chose d'autre. Hein, ou en tout cas, ça m'a échappé sinon. Après, c'était show télé. Bah, il y a les VIP package, mais c'est combiné l'hôtel, les places au premier rang et un meet and greet, et c'est plus de 250 euros normalement. Ça, donc, ça commence à faire beaucoup. Ça va, c'est pas dégueulasse. Quel était le catcheur le plus populaire dans cette soirée? Ça fait drôle de dire ça, c'était presque Greido finalement, hein, parce que quand il y avait son thème qui a retenti, la foule est partie dans un délire monstre, hein, ça se voit que le type est vraiment affûté dans son pays. Moi je connaissais pas trop, je l'ai pas revu dans la série British Bootcamp, mais au-delà de ça je le connaissais pas, quoi. Et la réaction qu'il a eue était vraiment monstrueuse. Après, bien sûr, il y a aussi les héros locaux comme Rockstar Spud, hein, qui est aussi un Anglais qui a reçu le Sacred Pop. Sinon, Kurt Angle, qui a été aussi très apprécié par le public. Ça faisait un bon moment qu'il n'était pas présent au Royaume-Uni, donc il a marqué son retour. Donc, ça a fait plaisir aux fans. Et est-ce que le nouvel arrivant, dont on va pas citer le nom pour ceux qui n'ont pas lu les spoilers, mais le nouvel arrivant de la TNA, qui a fait ses débuts, je crois, à Glasgow, a été bien accueilli par Londres. Bon accueil, ouais, même s'il vient d'un pays qui est rival à l'Angleterre. Un Greido aussi, un Greido est écossais. Du coup, j'ai un peu spoilé. C'est vrai, ça. Ouais, donc c'est un catcheur écossais, je pense que vous ferez rapprochement. Ouais, il s'est rapproché directement, en fait, il a sauté dans le public et il a fait une promo. Donc vraiment assez populaire quand même. Donc ça va, c'était un bon show pour Sébastien. Un bon show, expérience positive. Ouais. On espère qu'en prochain on sera plus à aller là-bas à la Wembley Arena pour assister à la tournée, et peut-être que la TNA nous laissera faire quelques interviews, on sait jamais. On va essayer de négocier ça avec eux. Et du coup, je pense qu'on a fini cette Impact Wrestlers. On va pouvoir conclure, si vous le voulez bien. Notre agenda, le prochain podcast, c'est Next Gen Wrestlers, si je ne dis pas de bêtises, puisque on est lundi. Le podcast va sortir mardi soir, si vous écoutez quand ça sort. Et si je ne dis pas de bêtises, mercredi soir, il y a Next Gen Wrestlers. Je ne sais pas quand on va enregistrer le podcast, mais dans les jours qui suivent le show, ce show spécial sur le WWE Network, il y aura un podcast Next Gen Wrestlers, dont on est assez impatient de l'enregistrer, puisqu'on va parler de Kevin Owens contre Sami Zayn, match phare de cette soirée. Le prochain podcast TNA, bon, on ne sait pas quand il va avoir lieu, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un prochain interview en direct de la TNA. Peut-être qu'on fera un podcast entre deux pour faire un genre de résumé sur les dernières semaines, comme on a fait au début du podcast. On verra. Pour la W2, qui est, enfin, on parlait de NXT. Le prochain, c'est le live concernant Fastlane. Fastlane qui a lieu le 22 février, donc le live le jeudi à 20h45, le jeudi 26 février. Donc le live, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube ou sur le site wr.voscatch.fr. Nos partenaires, je ne les ai pas sous les yeux, mais je pense pouvoir m'en souvenir. FN Lutte avec Maximo qui nous partage des interviews. S'il pouvait partager des podcasts, ça serait encore mieux, mais ça, c'est notre histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme partenaire? Il y a British Wrestling Revival, récent partenaire qui est un blog qui fait principalement des interviews de catcheurs indépendants, que ce soit américains ou anglais. Il y a ma chaîne de catch, une chaîne qui est disponible, je crois, sur YouTube, qui est le YouTube russe, puisque ce monsieur a eu des problèmes avec YouTube Dailymotion pour les droits d'auteur. Vous pouvez retrouver des matchs vintage de sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez des cassettes, des VHS avec des vieux shows de la WWF ou d'autres fédérations d'ailleurs, vous pouvez nous contacter et on transmettra ça. Enfin, on transmettra vos coordonnées si vous le voulez bien à ma chaîne de catch. Autre partenaire, Lucha Underground FR, qui est une émission sur YouTube et Dailymotion qui commente, c'était commenté en français des shows Lucha Underground de la AAA. Ça me fait penser qu'on a eu récemment Matt Striker en interview. Vous pouvez écouter ça sur YouTube, sur Archive, sur iTunes. En interview récemment, on a aussi eu Christophe Ajus, Jeff Jarrett, Damon Dallas Page, Luca Dillo et Peter Fisher. Ça fait beaucoup de choses à écouter, mais c'est pas grave. Si vous avez le temps, sous la douche, dans la voiture, en allant au travail, ça s'écoute assez rapidement. J'ai oublié vos catchs, puisqu'ils nous hébergent. Catch Asylum aussi, que j'ai oublié. Un forum très sympathique. Donc Voscatch, vous pouvez retrouver un tas d'articles. Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est pas long à faire, ça prend 2 secondes. Et vous allez avoir tous les podcasts disponibles. Donc on va vous dire à la prochaine. Concernant la TNA, on ne sait pas quand est-ce que ça va être, mais à la prochaine. Soyez là pour le Next Gen Wrestlers et pour le direct de Fastlane le jeudi 26 février. À ciao, bonsoir. Salut tous. Ciao.